fermer la porte, et ne jamais serrer les dents. Je crois en quelque sorte un doux chagrin trop évident, et pas l'envie de l'oublier, mais m'en servir comme oreiller, poser ma tête sur ses plumes, ma tête lourde comme une enclume. Qu'y a-t-il donc pour m'effrayer sur ce chemin de liberté? Après tout, je ne suis pas seul, dans mon miroir il y a ma gueule, qui parfois ose le sourire pour un meilleur chassant le pire, qui parfois ose le sourire pour un meilleur chassant le pire. Je n'ai jamais fermé la porte, je n'ai jamais serré les dents, j'avais, je crois, en quelque sorte un doux chagrin trop évident. Il n'y a plus d'ombre dans ma vie, puisqu'il n'y a plus de lumière, juste la torpeur de la nuit pénètre tout entière. Ma douce amie n'est plus qu'un rêve, allez j'oublie où je m'achève. Ma douce amie n'est plus qu'un rêve, allez j'oublie où je m'achève. Je n'ai jamais fermé la porte, je n'ai jamais serré les dents, j'avais, je crois, en quelque sorte un doux chagrin trop évident. Je chante aussi, ne pleure pas, me dit l'ami, demain sera une autre vie. Et je te crois, mais je n'ai pas la tête à ça. Je te crois, mais je n'ai pas le cœur à ça. Je te crois, mais je n'ai pas la tête à ça. Je te crois, mais je n'ai pas le cœur à ça. Je n'ai jamais fermé la porte, jamais serré les dents, j'avais, je crois, en quelque sorte un doux chagrin trop évident, et pas l'envie de l'oublier, même m'en servir comme oreiller, poser ma tête sur ses plumes, ma tête lourde comme une enclume.